Psaume 9. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Mutlaban. Je célébrerai de tout mon cœur l'Éternel, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je m'égayerai en toi, je psalmodierai ton nom, ô souverain. Parce que mes ennemis sont retournés en arrière, ils sont tombés, et ils ont péri de devant ta face. Car tu m'as fait droit et justice, tu t'es assis sur le trône, toi, juste juge. Tu as réprimé fortement les nations, tu as fait périr le méchant, tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. Ô ennemis, les désolations ont-elles pris fin? As-tu aussi rasé les villes pour jamais? Leur mémoire est-elle périe avec elles? Mais l'Éternel sera assis éternellement, il a préparé son trône pour juger. Et il jugera le monde avec justice, et fera droit au peuple avec équité. Et l'Éternel sera une autre traite à celui qui sera foulé, il lui sera une autre traite autant qu'il sera dans l'angoisse. Et ceux qui connaissent ton nom, s'assureront sur toi. Car, ô Éternel, tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent. Psalmodiez à l'Éternel qui habite en Sion, annoncez ses exploits parmi les peuples. Car il recherche les meurtres, et il s'en souvient, il n'oublie point le cri des débonnaires. Éternel, aie pitié de moi, regarde mon affliction causée par ceux qui me haïssent, toi qui me retires des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Je me réjouirai de la délivrance que tu m'auras donnée. Les nations ont été enfoncées dans la fosse qu'elles avaient faite, leur pied a été pris au filet qu'elles avaient caché. L'Éternel s'est fait connaître, il a fait jugement, le méchant est enlacé dans l'ouvrage de ses mains, y gageon, c'est là. Les méchants retourneront vers le sépulcre, toutes les nations, dis-je, qui oublient Dieu. Car le pauvre ne sera point oublié à jamais, et l'attente des affligés ne périra point à perpétuité. Lève-toi, ô Éternel, et que l'homme mortel ne se renforce point. Que la vengeance soit faite des nations devant ta face. Éternel, remplis-les de frayeur, et que les nations sachent qu'elles ne sont que des hommes mortels, c'est là.